It's all about the ladies. Ouais, ouais. Pulling ladies. C'est le SSC et Daddy Mori. Original. Pulling ladies. Science ou pas dans la danse. Celles qui nous connaissent, c'est l'enfer. On aime, elle les déteste, mais vivre sans elle, on sait pas le faire.